Lee Chol-ho, chercheur au Centre coréen d'études des affaires internationales, a publié un écrit sous le titre « Est-elle aveugle ou fait-elle semblant ?» Il note, entre autres, « La réussite coréenne au lancement successif des fusées balistiques intercontinentales, dont tout le territoire américain Empire du Mal est à leur portée, est largement traitée par les presses écrites et parlées du monde comme nouvelle topique de toute la planète. » Les presses écrivent, la fusée balistique intercontinentale coréenne a atteint l'altitude maximale de plus de 3700 km et a volé à peu près 1000 km. Les données surprenantes du lancement effectué par le système de lancement vertical, dont les conditions sont plus dures que les conditions de vol réelles à portée maximale, ont montré la puissance réelle de la fusée qui peut frapper suffisamment même la région orientale comme New York, sans parler de la région occidentale des États-Unis, selon le calcul à l'angle normal de tir. Mais à propos de la puissance de notre fusée balistique intercontinentale reconnue et admirée par le monde entier, la Russie, pays voisin de la péninsule coréenne, se montre jalouse de façon déraisonnable en disant que cette fusée a marqué l'altitude de 681 km et le vol de 732 km et que donc c'est une fusée balistique à moyenne portée. Voilà une analyse tout à fait absurde. Même les États-Unis, qui se trouvent dans un coin du continent américain au-delà de l'océan, ont reconnu malgré eux la réussite de notre fusée balistique intercontinentale. Alors, pour quelle raison notre fusée balistique intercontinentale est vue à la Russie, pays voisin de la Corée, comme une fusée balistique à moyenne portée ? Le problème est que ce pays, qui se prétend puissance militaire d'ordre mondial, s'entête aveuglément en abusant même le nom de son ministère de la Défense, a authentiqué son analyse arbitraire. Sa démarche nous fait penser si son concept visuel sur les choses est dominé de par sa nature par la méchanceté et la jalousie qui font voir le fusil d'un grand pays comme la fusée et la fusée d'un petit pays comme le fusil. Lors de la discussion de l'adoption de la résolution de sanctions contre la Corée au Conseil de sécurité de l'ONU, la Russie, qui souffre pendant des années des sanctions et pressions américaines, s'était opposée exprès aux États-Unis avec une position dure en prétendant que cette résolution ne devrait pas influencer les activités économiques et commerciales régulières et la vie de la population coréenne. Donc, les gens ont pensé d'une part que la Russie insistait sur son opinion pour contrer le projet de sanctions. Pourtant, la Russie, qui faisait semblant d'empêcher l'adoption de la résolution de sanctions contre la Corée, s'est jointe soudain aux États-Unis avant d'en être remerciée par Trump. Sa conduite fait voir nettement la vraie intention de nier notre fusée balistique intercontinentale. Son obstination nous encourage à lancer successivement des fusées balistiques intercontinentales et à prendre des nouvelles mesures d'action. La Russie sait bien elle-même si elle est aveugle ou fait semblant. Si jamais elle ne se débarrasse pas de sa conception de puissance à sa manière, elle restera à jamais puissance non reconnue.